qu'on me condamne. Moi je prendrai les armes, pour lui je verse de l'âme. Et de voir ta vie se construire sans amis et sans héros. Dans de trois, de tout. Rien ne vaut la vie si elle est menée contre et jamais pour ta jeunesse pleine d'amour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey. Malgré les beaucoup.